Chapitre 3. Le vieux Juste partit le lendemain matin. Un moment après, mon oncle arriva. Il resta un moment à causer avec M. David, puis, étant venu me retrouver à l'écurie, où j'étais en train d'aider Ulysse, le domestique, à sortir le fumier, « Monsieur David, me dit-il, te demande. Il t'attend dans son bureau. » Là-dessus, il me quitte en me souhaitant bonne chance. J'allais me laver les mains à la fontaine. Ce bureau était une petite pièce sombre, située au rez-de-chaussée de la maison d'habitation. Monsieur David m'y attendait. Il me dit « Je viens de parler à ton oncle. Alors je t'ai envoyé chercher pour que nous fassions connaissance. Je te donnerai pour commencer 15 francs par mois. » Il me parut avoir encore plus mauvaise mine que la veille, jaune, les traits tirés, l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi. Il tira un carnet d'une des cases de son pupitre. « Comment t'appelles-tu ? » Je lui dis mon nom, mes prénoms, et l'année où j'étais né. Il inscrivit le tout sur son carnet, avec aussi le jour de mon entrée à la ferme. Sécha l'encre avec une poudre verte, puis, croisant ses mains devant lui, « Je n'ai pas besoin de te dire que j'espère que tu te conduiras bien. Ton oncle m'a assuré que tu étais bon travailleur. C'est ce qu'on verra. En tout cas, tu as l'air robuste pour ton âge. » Il me regardait de la tête aux pieds. « Tant mieux, tant mieux. Si je suis content de toi, je verrai à t'augmenter. » Il se tut, et j'allais sortir quand il me rappela d'un mot « Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure ? » « Il m'avait envoyé aider Ulysse à sortir le fumier. Peux-tu déjà pousser la brouette ? » ?»« Il me semble bien que je pourrais, mais je n'ai pas encore essayé. » »« Il te faudra essayer. » C'est ainsi que j'entrai tout à fait à la ferme. Je savais maintenant que je gagnerais 15 francs par mois. Il me semblait que c'était beaucoup. Je fus promptement au courant de tous les travaux, faucher, traire, atteler, hacher la paille, fourrager. Je faisais l'ouvrage d'un homme. On se levait à 4 heures en été, à 5 heures l'hiver. Tout de suite, il fallait se mettre à traire. Quand on avait fini de traire, on portait le lait à la laiterie. Nous étions deux à le porter, Ulysse et moi, parce qu'un homme seul n'y aurait pas suffi. Il y avait des fois jusqu'à 100 litres. Il y avait deux de ces hottes de fer qu'on nomme des boiles, une petite et une grosse. Ulysse étant mon aîné, c'était lui qui portait la grosse. Je m'en sentais humilié, d'autant plus qu'au village on se moquait de moi. Aussi avais-je bien soin de ne jamais me mettre en route en même temps que lui. Je prenais plutôt les devants. On compte un bon quart d'heure jusqu'au village. Une 40aine de kilos pour un garçon de 16 ans, c'est un poids. Mais l'amour-propre me donnait des forces, et j'avais eu vite fait d'apprendre à régler mon pas sur la balancée, sans quoi le lait vous gicle par-dessus la tête. Dans la laiterie, il y avait toujours une 15aine de garçons en train de causer et de rire. Ils me faisaient un peu peur, étant tous plus âgés que moi. Vite, je faisais inscrire mon lait, et je me sauvais. J'étais toujours de retour avant Ulysse, ce qui faisait que j'étais bien vu du patron. Et on entrait dans la journée, et rapidement elle se suivait, avec les foins, tour à tour, la moisson, les regains, et enfin un peu de vendange, parce que M. David possédait aussi des vignes, plus en arrière, dans les hauts. Le bon de ces grandes fermes est qu'on y fait un peu tous les métiers, et jusqu'au métier de boucher si on veut. On tuait, en effet, 4 cochons chaque automne. D'ailleurs, j'étais bien traité. Un peu rudement mené, peut-être, parce que Recordon n'était pas commode, mais M. David avait l'œil à tout, et Recordon le savait bien. On avait à manger en abondance, la nourriture était bonne. Tout serait donc bien allé sans la nouvelle dame Barba, mais depuis qu'elle y était entrée, tout était sans dessus-dessous dans la maison. Jamais, disait-on, M. David n'aurait mis à la porte le vieux Juste, si elle n'avait été là. C'est aussi qu'en aucune chose, il n'avait les mêmes idées. Alors pourquoi il l'avait épousée, je ne le comprenais pas bien. Passe encore si Madame Léa eût été belle, mais je ne la trouvais pas belle. D'abord, elle était trop grosse, et puis elle avait une façon de vous regarder qui déjà me déplaisait chez les femmes. Trop voyante, pour tout dire, trop en dehors, trop occupée de ce qu'on pouvait penser d'elle, et aimant avant tout à se faire admirer. On racontait qu'elle avait été longtemps femme de chambre au Soleil d'Or, à Roche. C'était là que M. David l'avait connue. Il avait trouvé moyen de la prendre à son service, malgré l'opposition de sa première femme. Et disait-on, jamais Madame Barba n'avait été malade jusqu'alors. Mais sitôt cette fille installée chez elle, elle s'était mise à ne pas aller bien, sans qu'on pût savoir au juste ce qu'elle avait, quand même 2 médecins étaient venus la voir. Bientôt, elle n'avait plus quitté son lit. Une année après, elle était morte. Une 10aine de mois encore, tout au plus, et M. David, comme on a vu, se remariait. Cela se passait à peu près à l'époque de mon arrivée à la ferme. J'y étais entré en juillet. En octobre déjà, Mme Léa accouchait d'une fille. Cette naissance, d'abord, parut devoir tout arranger. M. David en fut très fier. Il en avait le droit, n'ayant pas loin de 60 ans. Mais de son premier lit, il avait 3 autres enfants. Une fille nommée Julie, qui était mariée à un M. Raymond, agent d'affaires à Roche. Un fils nommé Robert, qu'on ne voyait presque jamais parce qu'il faisait ses études à la ville. Enfin, une seconde fille, pas mariée, celle-là, qu'on appelait Mademoiselle Rose. Et c'est à cause d'elle que les choses ne tardèrent pas à se gâter. C'était la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Je me souviens très bien d'une robe blanche qu'elle portait, ce printemps-là, une robe de mousseline à jupe bouffante, tout en volant, comme c'était la mode alors. Quand elle s'avançait par les chemins vers vous, avec la dite robe et sa capote rose, on avait frais dans le cœur. On la disait fière, elle ne l'a jamais été avec moi. Je l'ai toujours trouvée polie. Elle m'a toujours parlé gentiment, et à tout le monde comme à moi. Ce qu'on croyait être de la fierté, c'était l'air distrait, préoccupé, qu'elle prenait de plus en plus. Mais la chose était assez naturelle. Tout de suite, en effet, Madame Léa avait été jalouse d'elle. Elle avait dû exciter M. David contre sa fille, car rapidement, M. David l'avait mise de côté. D'autant plus mise de côté qu'il avait maintenant la petite Lucienne, encore qu'elle ne fût qu'un bébé de quelques mois. Une nouvelle année passa, ce fut une année de maçon. M. David fit remettre la maison entièrement à neuf. On en recrépit la façade, qui était grise et devint rose, c'était le goût de Madame Léa. Une nouvelle fenêtre fut percée dans le mur qui regardait le lac, afin de donner du jour au salon. Comme elle n'était pas symétrique aux autres, la maison tout entière s'était mise à pencher. Mais là aussi, on sentait une volonté à quoi rien ne résistait. C'est ainsi que dès que le printemps fut venu, on vit arriver un jardinier qui bouleversa le jardin. Pour finir, ce fut le tapissier, lequel emporta tout un grand char à pont de meubles. Ils partirent rouges, ils revinrent verts. Pourtant, comme j'ai dit, je n'étais pas malheureux. Le désordre n'était pas tel que j'eusse trop à en souffrir. Et, quant aux petits inconvénients de la situation, je me disais qu'il y en a partout. Une chose qui m'avait beaucoup soutenue, c'est que j'avais trouvé un ami. Un ami, je ne sais pas trop si j'ose lui donner ce nom, car il avait plus de 3 fois mon âge, mais ce que je ressentais pour lui était un tel mélange de respect et de confiance que je ne vois pas d'autre mot. Il s'agissait d'un monsieur Loup, autrefois régent au village, et que je connaissais pour l'avoir eu quelquefois comme expert du temps que j'étais à l'école de Pras-dessus. Un jour, il m'avait rencontré dans les environs de la Maladière. « Tiens, Samuel, qu'est-ce que tu fais par là ?» Je lui avais dit que j'étais entré en service chez M. Barba, parce que ma mère était morte. Il m'avait regardé d'une drôle de façon. Il m'avait posé la main sur l'épaule. Il m'avait demandé « Et comment t'y plais-tu ? » Je lui avais répondu que je m'y plaisais bien, mais il avait dû voir à mon air que je ne disais pas toute la vérité. Il m'avait regardé de nouveau. « Il te faudra venir me voir, Samuel, quand tu t'ennuieras. » J'étais allé le voir un dimanche. Il vivait seul avec sa femme dans une petite maison écartée qu'un grand jardin entourait. Il le cultivait lui-même. Tout un côté en était occupé par un rucher peint en bleu avec 3 étages de ruches en paille. On ne connaissait pas encore les ruches de bois qu'on voit partout maintenant. Il disait « Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai mes abeilles. » En outre, il était très adroit à tourner et il avait dans son grenier un tour sur lequel, l'hiver, il confectionnait toute espèce de petits objets. J'ai encore un rond de serviette qu'il m'a donné. Il me reçut dans le jardin. Il apporta une bouteille de vin de miel, on dit aussi hydromel, de sa fabrication, et nous nous mîmes à causer. Je ne causais pas beaucoup d'ordinaire. Comment s'y prit-il ? Je ne sais. Toujours est-il qu'au bout d'une demi-heure, je n'avais plus rien à lui cacher. C'était comme s'il y avait eu une pression en moi vers le dehors de tout un monde de choses qui ne demandaient qu'à sortir. Je l'ai laissé sortir pour la première fois et je me sentis soulagé. Il leva dans le jour son verre d'hydromel et regardant la belle couleur qu'il prenait par transparence, « Tu vois, me dit-il, il est clair. J'en suis content cette année. » Il reprit, « Est-ce qu'il te plaît ? Tant mieux, il n'est pas méchant. » Et puis, sans avoir l'air de rien, et ton oncle, es-tu retourné chez lui ? Il prenait comme on voit les choses d'un peu loin. Je lui répondis que j'avais été deux fois chez mon oncle, que la première fois je ne l'avais pas trouvé, et la seconde, il avait des visites, alors je ne m'étais pas arrêté. « As-tu d'autres parents ?» Je n'en avais point, ma mère n'était pas du pays. « Qu'est-ce que tu fais le dimanche ?» Je fus tout honteux, je ne faisais rien le dimanche. Je me couchais sur mon lit, et à 4 heures, il fallait que je fusse debout parce qu'il y avait les bêtes à traire. Mais une fois le lait porté à la laiterie, je me recouchais sur mon lit. J'eus d'autant plus de peine à le lui avouer qu'une des choses sur lesquelles je m'étais le plus étendu, c'était justement le chagrin que j'avais ressenti à l'idée que je ne pourrais pas continuer à étudier, comme j'aurais aimé le faire, et comme maman pensait que je ferais. J'avais l'air de me contredire. Pourtant, il ne me gronda point. Il me dit « Je te comprends, mon garçon. Je sais assez la peine qu'on a de persévérer à ton âge, quand personne n'est là pour s'occuper de vous. Mais si tu avais quelqu'un pour t'aider ?»« Oh, si j'avais quelqu'un, peut-être qu'on trouverait quelqu'un. » Et comme je le regardais la bouche ouverte, il prit un air malicieux. « Autant te le dire tout de suite, ce ne serait que moi. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Mais si tu veux t'en contenter, il ne faut pas te décourager, Samuel. C'est les commencements qui coûtent. Tu as tes dimanches, tu auras de temps en temps tes soirées. Tu n'as qu'à te dire « je veux ». Il fut convenu qu'il me prêterait les livres dont j'avais besoin et que tous les 15 jours, le dimanche après-midi, je viendrais lui montrer ce que j'avais fait. J'aurais voulu lui dire combien je lui étais reconnaissant de ses services, mais tout se brouillait devant mes yeux. Un moment, je ne vis plus rien. Quand je relevai la tête, je m'aperçus que M. Loup n'était plus à côté de moi. Penché sur un de ses rosiers, il paraissait très occupé à tourner et à retourner entre ses doigts une feuille où la vermine s'était mise. Finalement, la laissant tomber à terre, il l'écrasa sous son talon. Ce fut seulement quand il m'entendit approcher qu'il se retourna. Il n'eut l'air de rien, il me dit « Viens avec moi ». Il me donna une géographie, un livre d'histoire, un double livret, où était expliquée aussi la règle de 3 et les fractions décimales. Enfin, pour le dessert, comme il disait, le Robinson suisse. Il me prêta tout ce qu'il fallait pour écrire, car je n'avais ni encre ni papier, et je m'en allais de chez lui un gros paquet sous le bras. Avec mes économies, je commençais à en avoir. J'achetais une boîte de bougies. J'en plantai une dans le cou d'une bouteille. Il y avait maintenant de la lumière dans ma chambre jusque tard dans la soirée. Je dois reconnaître que le Robinson suisse me prit tout d'abord plus de temps que mon livre d'histoire ou ma géographie. Je me passionnais surtout pour quand le boa mange l'âne. Et je crois que c'est Jacques qui vient, il tue le boa d'un coup de fusil. Mais il attend pour le faire que la bête soit en train de digérer, alors il semble pendant 2 ou 3 pages qu'on assiste à ce repas. On voit la vilaine bête faire avec le pauvre âne une espèce de pâte, ensuite seulement elle se met à avaler. J'avais fait emplette aussi d'une montre. Tout à coup, je regardai l'heure, j'étais épouvanté de voir qu'il était plus de minuit. Pourtant, quelque chose survint qui me fit oublier même le Robinson suisse. À ce nouveau printemps, je tombai amoureux. J'allais avoir 18 ans, c'est l'âge. Elle s'appelait Mélanie. Elle était orpheline de père, comme moi, seulement on disait que sa mère était très riche. C'est même la raison pour laquelle jamais je n'aurais seulement osé penser à elle si elle n'avait pas commencé. Mais ce fut elle qui commença. On m'avait envoyé un matin au moulin avec un sac de blé, en échange de quoi je devais rapporter un sac de farine. Comme le chemin monte dur, j'avais attelé la Blanchette, qui était une vieille jument que M. David gardait par pitié. Elle n'allait plus qu'au pas. On s'en servait pour les travaux pas pénibles. J'avais donc chargé mon sac de farine et je m'en revenais tranquillement quand, dans un petit bois qu'il fallait traverser, j'aperçois en avant de moi une fille assise au bord du chemin. Un gros panier recouvert d'un linge était posé à côté d'elle. Je me sentis mal à l'aise parce qu'en ce temps-là, toutes les filles me faisaient peur et l'idée de passer devant celle-là, quelle qu'elle fût, me troublait. Si seulement j'avais pu trotter. Il n'y fallait pas songer avec la Blanchette. Alors, je baisse la tête, l'air de quelqu'un qui n'a rien vu. Je me disais, la meilleure manière de n'être pas vu, c'est d'avoir l'air de ne rien voir. La chose, d'abord, parut réussir. En effet, je dépasse la jeune personne en question sans qu'elle eût seulement bougé. Et je me croyais sauvé déjà quand tout à coup on me crie « Eh bien, vous êtes poli, vous !» Pas moyen de ne pas entendre, je lève la tête. La fille de tout à l'heure était debout. Elle se tenait tournée vers moi et je reconnais une nommée Mélanie qui avait au village la réputation d'être la plus fine et la plus maligne de toutes les filles, qui le sont pourtant assez. L'idée que c'était elle me fit perdre tout à fait la tête. Je n'avais même pas pensé à arrêter la Blanchette qui continuait d'aller son chemin. « Voyez-vous ça, quelle politesse ! Chargée comme je suis, et lui qui a char et cheval !» J'avais fini par comprendre, je tire sur les rênes, elle dit « c'est le moment ». Elle s'approche, son panier au bras, il devait être lourd, elle penchait sous le poids. Maladroitement, je l'aide à déposer son panier sur le char. C'était un de ces chars à transporter les pierres, qui sont faits de deux planches, posées à cru sur les essieux. Et moi, pour dire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que ça vous regarde? C'était répondu. Cependant, elle s'était assise à côté de moi, la Blanchette était repartie, et j'étais obligé, pour conduire, de me tenir tourné du côté du cheval. On alla un bout de chemin sans qu'elle parlât. Moi, n'est-ce pas, je ne m'y risquais plus. Tout à coup, elle me demande « C'est bien vous qui êtes à la maladière ?» Je fis un effort. « Oui, mademoiselle. Il me semblait vous avoir déjà vue. » Sa voix était toute changée. Il me paraissait impossible que j'eusse pour voisine la même personne qu'un instant avant. Cette idée m'enhardit, je me retourne, alors je vois tout près de moi une jolie bouche rose et deux yeux qui me souriaient. Ils furent comme une allumette dans un tas de paille, ses yeux, quand même ils étaient noirs, mais chez les yeux, le noir est la couleur du feu. Je fis un mouvement si brusque que je faillis tomber du char, elle éclata de rire. C'est ainsi que la chose a commencé par un grand rire. On sortait du bois, une pluie de soleil nous tomba dessus à travers les branches qui diminuaient d'épaisseur, puis on entra dans la grande lumière et au-dessous de nous, le village se montra. Elle n'avait pas cessé de rire, et je pense aujourd'hui qu'il était faux son rire, mais à ce moment-là, je ne m'en doutais pas. « Voilà ce que c'est que d'avoir des chars aussi étroits que ça, » finit-elle par dire. « Enfin, on ne pourra toujours pas se plaindre de la dureté du dossier. » Il n'y avait ni dossier, bien entendu, ni rien pour poser les pieds. On avait, voyez-vous, les jambes qui se balançaient dans le vide. Le dos suivait le mouvement, rien que le derrière d'appuyer. Justement, nous arrivions à un endroit où le chemin avait été empierré quelque temps avant. Je ne sais pas ce qui me prend, je lui dis, « Si vous avez peur, tenez-vous à moi. » Elle ne fait ni un ni deux, elle me passe le bras autour de la taille, il me semblait que je rêvais. À chaque secousse du char, je sentais son épaule se coller à la mienne, et sa hanche aussi me touchait. J'étais devenu tout rouge, puis tout pâle. On a bien raison de ne pas confier des chevaux vifs aux jeunes gens, surtout quand ils sont accompagnés. La descente devenait de plus en plus raide, je n'avais pourtant pas pensé à serrer la mécanique. Si la Blanchette n'avait pas été sage, Dieu sait ce qui aurait pu arriver. Mais elle n'en allait que plus lentement. Ce fut même pour Mélanie un nouveau prétexte à plaisanterie. « Je crois bien, disait-elle, qu'ils n'ont pas tant confiance en vous. Ils ont pensé, voilà un étourdi, il faut ménager la cavalerie. » Elle s'était mise à rire de nouveau, je finis par faire comme elle. Quoique le mauvais chemin fût maintenant derrière nous, elle continuait à me tenir par la taille, et j'aurais pu lui répondre que, puisqu'elle ne risquait plus rien, sa précaution était inutile. Comme on peut le croire, je m'en gardais bien, quoique toujours un peu gênée. Elle continuait à me parler de la Blanchette, et à tout moment son rire éclatait pendant qu'elle criait « Hu, hu !» Mais ça ne servait à rien, ce qui la faisait rire de plus en plus fort. Puis brusquement, elle redevint sérieuse. Elle me dit « Il faut que je descende. » C'est qu'on approchait du village, vous comprenez, si on me voyait avec vous, tout de suite les gens commenceraient à babiller. Et moi, jusqu'alors, je n'avais pas pensé à mal. Sitôt qu'elle m'eût dit cela, et sans doute le fit-elle exprès, ce fut comme si j'étais déjà un peu coupable. L'ayant déposée au bord du chemin, je lui tendis son panier. Elle me remercia d'un signe de tête, et me regardant alors d'une drôle de façon, un reste de sourire aux lèvres, « Écoutez, dit-elle, est-ce que vous n'allez pas quelquefois vous promener au bord du lac ?» Je n'y allais jamais, je n'en répondis pas moins. « Oh oui, ça m'arrive. « Alors voulez-vous venir dimanche prochain ? J'y serai aussi, vers 1 heure, sous le gros saule. » Je crus d'abord qu'elle se moquait de moi, mais il me suffit de la regarder pour voir qu'il n'en était rien. Alors pourquoi m'invitait-elle ainsi, puisqu'elle me connaissait à peine ? C'est la question que je me posais pendant que la Blanchette continuait son chemin vers la ferme, mais je n'arrivais pas à y trouver de réponse. La seule qui me fut venue à l'esprit, je n'avais pas assez de confiance en moi pour seulement m'y arrêter, et finalement je renonçai à chercher, ne songeant plus qu'à notre rendez-vous. Ce dimanche-là, je devais aller chez M. Loup. Je décidai simplement que je n'irais pas. Peut-être aurais-je dû l'en prévenir, je ne le fis point, me disant que je trouverais bien la fois suivante un prétexte à mon absence. Il ne me resta plus qu'à attendre ce dimanche qui tarda terriblement. En vain essayai-je le soir de me mettre à lire. Comme on voit le brouillard sortir dans les bois du milieu des arbres, de même continuellement un vague visage vaporeux se levait d'entre les lignes, et c'était à lui que mes yeux allaient, laissant là les phrases. Seulement, à peine mes regards s'étaient-ils fixés sur lui qu'ils se dissipaient. Tout déçu, je me remettais à ma lecture. Aussitôt il reparaissait. Alors je fermais le livre. Pourtant, le dimanche finit par venir, et dès le matin, je me préparais. Je n'avais qu'un habit de rechange, je le brossais soigneusement, ce qui ne m'était jamais arrivé. Je l'examinai à la lumière, je m'aperçus que les boutons tenaient mal. Il y avait sur le devant de la veste, à l'endroit le plus apparent, une grosse tache. J'allai emprunter du fil et une aiguille à Madame Recordon, et m'étant assis à ma fenêtre, je recousis mes boutons. Sur quoi, je lavai la tache. Je pris soin de mettre une chemise propre, de me bien laver, de me bien peigner. Il y avait un col à ma chemise, je réussis même à y nouer une vieille cravate noire qui me venait de mon père. J'avais été aussi emprunté un miroir, parce que je n'en avais point. Je me vis tout rouge et la peau luisante, tellement je m'étais frotté. À peine étais-je prêt que midi sonna, il me fallut aller me mettre à table. Tout le monde me dit « Comme tu t'es fait beau aujourd'hui !» Je tâchais de n'avoir l'air de rien, on n'en dut pas moins remarquer que je manquais d'appétit. Moi, qui mangeais comme 4 d'ordinaire, ce fut tout juste si j'arrivais au bout de mon assiette de soupe. Puis, me glissant entre les arbres et faisant un grand détour, je me dirigeai vers l'endroit du rendez-vous. Elle avait bien fait de choisir le bord du lac. Il n'y venait jamais personne. On va voir ses champs ou ses prés le dimanche. Ce bord de lac n'est que sable et cailloux. Et puis, on est protégé par le marais, qu'on ne peut traverser qu'à une seule place, sans quoi il faut faire, comme j'avais fait, un grand détour. Fine mouche, quand j'y pense. Je vois le saule, il n'y avait personne. Elle était cachée derrière le tronc. Tout à coup, comme j'arrivais, elle sortit la tête, et moi, dans ma surprise, j'eus de la peine à retenir un cri. Elle me dit, « Je suis un peu en avance, mais c'est qu'on a mangé de bonne heure aujourd'hui. » Et, me montrant une place à côté d'elle, « Asseyez-vous là, on est bien. » En effet, on était bien. On était assis dans le sable fin. Il pliait sous vous, comme de la plume. Devant soi, on avait le lac. La bise soufflait ce jour-là. Elle poussait les vagues vers le large. Il semblait qu'il n'y eût pas de vagues, parce qu'on n'en apercevait que le côté en pente molle, mais plus loin venaient les premiers moutons. L'eau était si bleue qu'elle avait l'air noire. Dans le sable autour de nous, il y avait des morceaux de briques aux angles arrondis, qui faisait penser à des savons roses et des culs de bouteille que le frottement avait dépolis. À notre droite, la rive allait se courbant, et elle était bordée de toute une rangée de hauts peupliers droits, aussi minces en bas qu'en haut, pareils à des bougies. Sur la gauche, tout là-bas, à l'embouchure de la Sorge, qui est un petit ruisseau qui traverse le marais, on apercevait la maison du père Pinget, le pêcheur. Elle avait tout de suite commencé à causer, et à causer très raisonnablement, si bien que ma timidité s'était vite en allée. On n'avait pas du tout l'air de 2 amoureux ordinaires, avec leurs chuchotements, leurs mouvements de mains. Elle m'avait dit que j'avais dû être bien étonnée de voir qu'elle avait fait les premiers pas, contrairement à la coutume, mais qu'elle m'avait trouvé gentille et qu'elle s'ennuyait toute seule au village. Parce que les garçons du village, disait-elle, étaient grossiers, remplis d'eux-mêmes, et les filles seulement occupées de leurs robes et de leurs chapeaux. Elle n'avait personne avec qui causer. Je l'écoutais, je me sentais maintenant très à mon aise, même sans me l'avouer, j'avais bien un peu de regret de voir les choses tourner ainsi. Je lui réponds que moi aussi j'étais très seule à la Maladière. Les autres domestiques me tenaient à l'écart parce que j'étais plus jeune qu'eux. Quant à M. David, il avait bien trop de soucis pour faire attention à moi. Une fois la conversation mise sur ce sujet, elle s'y attarda longtemps. Mélanie semblait curieuse de savoir ce qui se passait à la Maladière. Et moi, n'est-ce pas, je n'étais pas très renseignée. Mais enfin, je lui répondis de mon mieux. Une chose l'intéressait surtout, c'était les robes de Madame Léa. Combien elle en avait, de quelle espèce. Quoique j'en fusse assez surpris, étant donné ce qu'elle m'avait dit un instant avant, de la coquetterie des filles du village, je n'eus tout d'abord d'autre idée que de lui prouver ma bonne volonté. « Voilà, elle en a une blanche pour le dimanche, je crois, et une grise, une bleue aussi la semaine. En quoi ? En drap ? Est-ce que n'en a pas aussi une en soie ?» Je n'y avais pas pris garde. Elle me dit « C'est bien les garçons, ils ne pensent qu'à eux. » Elle recommença de m'interroger sur Madame Léa. Puis, s'apercevant qu'il n'y avait plus rien à tirer de moi sur ce sujet, elle passa ma propre personne. Et parce que j'étais flattée, et parce que aussi j'étais content de briller un peu devant elle, je me mis à lui longuement raconter ce que je faisais le soir. Comment j'étudiais le soir et quelles espèces d'études. La géographie de toutes les parties du monde, l'histoire de tous les pays, la règle de Troie, les fractions, et également le Robinson suisse. Elle m'écouta attentivement. Quand j'eus fini, elle me dit « Et après ?» J'étais partie, ce n'était pas une question de ce genre qui pouvait m'arrêter. « Après ?» « Eh bien, Monsieur Loup m'aidera. Il vous aidera à quoi faire ?» Je n'hésitais pas à devenir régent. J'inventais, cela va de soi. Ces choses-là, peut-être y avais-je pensé, mais je n'en avais jamais parlé à personne, et elles étaient encore bien vagues. Il n'en restait pas moins que de les avoir dites, elles avaient soudain pris forme. Cet avenir imaginé, il me semblait le voir réellement se dresser devant moi. On m'eût étonné en m'accusant d'avoir menti. Elle n'y songea point d'ailleurs, et moi, j'avais atteint mon but, je m'étais grandi à mes propres yeux. « C'est un beau métier, » me dit-elle. « Bien sûr, » lui répondis-je, « sans quoi je ne l'aurais pas choisi. » Elle réfléchit un instant. « Est-ce qu'il vous faudra longtemps pour être régent ?»« Oh, bien, ça dépendra, mais en m'encourageant bien, j'inventais de plus en plus, d'ici 4 ou 5 ans. « Quel âge est-ce que vous aurez dans 4 ou 5 ans ?» Je lui répondis fièrement. « Je n'en ai que 18. C'est facile à compter. » « Moi, dit-elle, j'en ai 17. » Il faut toujours se méfier quand une fille vous dit son âge. Elle avait en tout cas l'air beaucoup plus âgée que moi, mais je n'osais pas insister. On se taisait tous les deux, maintenant, et on regardait devant nous. Tout là-bas venait une barque que la bise faisait tellement pencher par moments qu'il semblait que la voile allât tremper dans l'eau, mais brusquement elle se redressait. Je pensais à mon avenir. Il se confondait pour moi avec le brillant soleil et la belle couleur des vagues dont j'étais ébloui, mais de lui tout autant. Sans doute qu'elle aussi pensait à ces choses. Il y avait entre nous une espèce d'accord de pensée qui faisait que nous n'avions pas besoin de parler. La bise avait un peu dérangé ses cheveux, les ailes de son chapeau en paille souple se soulevaient doucement comme un papillon posé, et j'étais heureux d'un bonheur tranquille, de ceux dont on voudrait qu'ils durassent toujours. Mes 3 heures sonnèrent, c'était le moment de partir. J'étais devenu tout triste, je n'osais pas lever les yeux. Tout bas, je lui demandais « Est-ce qu'on ne pourrait pas se revoir ?» Elle ne me regardait pas non plus. Elle tenait ses mains croisées dans le creux de sa jupe. Elle les leva. « Il faut espérer qu'on se reverra. » Je devins encore plus triste. « Est-ce que vous espérez seulement ?» Mais elle avait de nouveau brusquement changé de ton. « Oh » dit-elle, « on s'arrangera bien. » Alors la voilà qui lève la tête. Elle tourne vers moi sa figure comme un soleil, ses paupières se mettent à battre, elle devient toute rose, sa poitrine bouge un peu. « Écoutez, je trouverai bien moyen de vous faire signe, mais en attendant, savez-vous ?» Elle baisse la voix, il n'y a plus qu'un filet de voix. « Donnez-moi un petit baiser. » Je ne sais pas où je le lui ai donné, ce baiser. J'avais tendu les lèvres, elle avait avancé sa joue. Je sentis seulement quelque chose de brûlant. Je me sauvai droit devant moi sans me retourner. Depuis lors et pendant tout cet été qui vint, quand même nous ne nous rencontrions que rarement, elle fut toujours près de moi. Son image m'accompagnait partout. Sous les arbres du verger, il y avait l'herbe qu'on fauchait et le foin plein de sauterelles. Mais le beau soleil, c'était elle. Et ce bruit d'eau dans les rigoles, c'était sa voix que j'entendais. Quand je voyais une petite grenouille, j'avais envie de la mettre dans ma poche pour lui en faire cadeau. Avec les fleurs des haies, je faisais tout le temps des bouquets, pensant « tu les lui donneras quand tu la verras ». Le lendemain, déjà, ils étaient fanés. Elle m'était entrée dans le cœur sans que je m'en fusse aperçue. C'est la meilleure façon. Elle avait ouvert la porte si doucement que je n'en avais pas entendu le bruit. La porte s'était refermée, et quand même j'étais si fatiguée le soir que j'avais grand-peine à tenir mes yeux ouverts. Cette présence que j'ai dit faisait que régulièrement je m'asseyais à ma petite table. Il me fallait un grand effort, mais tout m'était facile et tout m'était plaisir quand je me disais « c'est pour elle ». Je ne pensais presque plus à ma mère. Je gagnais maintenant 20 francs par mois.